exactement. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنحمده جل وعلا الذي شرح صدورنا للإسلام، فنحمده ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعض. Donc les frères, inshallah, on va lire un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. C'est un hadith donc qui est rapporté dans les deux authentiques. On va lire la variante et pardon, la version qui est rapportée dans l'authentique de l'imam Muslim. Et ce hadith, ce récit, j'ai choisi ce récit avec l'explication bien sûr d'un savant qui a traité ce hadith dans le serment du vendredi, dans une khutbah d'un vendredi. Il a mentionné ce hadith et l'a expliqué, un grand savant contemporain. Et pourquoi j'ai choisi ce récit et ce hadith, comme vous allez voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah, pour trois causes. Du fait que vous avez vu ce séminaire ce week-end était pour faire montrer l'importance et le rang de la science et du savoir de notre religion. Donc vous allez voir à travers l'étude et la lecture de ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, l'importance du ilm et que l'action, l'œuvre est liée à la science, est liée à la science. Deuxième chose aussi, c'est que le croyant, dans cette vie d'ici-bas, il est tenté, il est exposé à toute forme de tentation, Et dans ce hadith, et surtout nous, à l'heure actuelle, à l'époque où l'on vit, alors le croyant, on est exposé à toute forme de tentation. Et dans ce hadith, vous allez voir une grande exhortation par rapport à cela. Et il y a un grand appel aussi, qui est lié au tawhid. Comme vous avez pu voir dans l'histoire précédente qu'a traité notre frère Abdelmalik Abu Imran. Vous avez vu la relation qu'il y a avec le tawhid. Donc cela est très important. Et vous allez voir à travers ce récit le rang, la grande place qu'a la mère, la maman dans notre religion. La mère qu'a dans notre religion. Et beaucoup d'enfants ont négligé le rang et le degré de la mère et l'importance de la mère dans notre religion. Donc on a dit que l'imam Muslim et aussi l'imam al-Bukhari, donc on va essayer de résumer les frères, puisque le sujet on devait le traiter en deux séances, en deux cours, du fait qu'hier il y a eu une intervention du noble Shir et on a fait la traduction, donc on n'a pas pu faire la première partie, donc je vais essayer en une partie de résumer. Sinon, le Shir qui a traité cela, a ramené de nombreux points, de nombreuses fawaïd, les hadiths, on va résumer, Inch'Allah. On va résumer, donc je vais essayer d'être bref et concis. Ici. Donc l'imam Muslim rapporte cela. Ce hadith est un hadith d'Abu Huraira, le célèbre compagnon que vous connaissez tous. Et celui qui rapporte d'Abu Huraira, si vous observez la chaîne de transmission qui est très importante, c'est Mohammed ibn Sirin, qui est très célèbre, ce grand imam parmi les imams de Tabi'in. Et je recommande les frères, d'être pointilleux sur cela et de se faire le rappel sur ça. Lorsque vous lisez un hadith, revenez aux chaînes de transmission, lisez les noms des rapporteurs, cherchez dans les biographies, c'est ça le travail de nos grands savants. Pourquoi ? Parce qu'on sait, on a vu que beaucoup de jeunes ne connaissent rien des grands imams de notre communauté. Et parfois, lorsqu'on entend des chaînes de transmission, parfois on ne connaît pas les hommes qui sont mentionnés dans ces chaînes de transmission, alors qu'ils sont des modèles, pour les générations à suivre, qui vont venir. Alors, il faut que les jeunes musulmans apprennent ces noms, lisent dans les biographies, En l'occurrence, ici, vous avez Mohammed ibn Sirin, qui est un grand imam. C'est à lui qui a été attribué faussement un livre relatif à l'interprétation des songes et des rêves. Naam, ibn Sirin était connu dans sa connaissance et du fait qu'il était ancré dans ça et qu'il avait ce don-là dans l'interprétation des songes et des rêves. Mais ce livre qui lui a été attribué plus tard, faussement, n'est pas de lui. Mohammed ibn Sirin donc était un grand imam parmi les fuqaha à l'époque de At-Tabi'in. L'époque, c'est-à-dire, c'était les successeurs et les élèves des compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Et lorsque vous regardez, par exemple, l'imam muslim a accepté la narration de Mohammed ibn Sirin par rapport à Abu Huraira. Pourquoi ? Parce que si vous lisez, vous allez voir qu'il est confirmé que Mohammed ibn Sirin a rencontré Abu Huraira. Il a entendu de lui. Il entendait de lui les hadiths du prophète, alayhi salat wa salam. De même, la question a été aussi posé à de grands savants du hadith et de la tradition du prophète, est-ce qu'il a entendu aussi de Abdallah ibn Omar et disent Naam. Il a entendu de Abu Huraira, rapporté d'eux, et de Abdallah ibn Omar. Par contre, il n'a pas entendu de Aïcha, il n'a pas entendu de Abdallah ibn Abbas et d'autres compagnons. Et lorsqu'il rapporte de Abdallah ibn Abbas, il passe par le grand et célèbre élève de Abdallah ibn Abbas qui était Ikrima. C'est pour cela que vous allez voir les chaînes de transmission, là, ces narrations remontant jusqu'à Abdallah ibn Abbas, il y a ce grand élève célèbre, Ikrima. Et si vous regardez dans cette biographie une grande histoire, par exemple, Mohammed ibn Sirin était le fils de Sirin. Sirin, qui était pris en captivité à l'époque, dans cette expédition qui s'appelait Na'in Tamar, par Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, qui avait pris le père de Mohammed ibn Sirin comme prisonnier. Il avait trouvé de jeunes garçons à l'époque qui étaient dans un temple et qui apprenaient l'Injil. Et il avait trouvé à l'époque celui qu'on appelait Nusayr, il y avait Yassar et il y avait Sirin. Les trois ensuite, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, en l'occurrence Sirin a été acheté par Anas ibn Malik, Al-Ansari. Ensuite il l'a libéré. Plus tard, regardez, Mohammed ibn Sirin va devenir ce grand imam. Parmi ces jeunes captifs, il y avait Nusayr qui va devenir le père de Moussa. Moussa qui va devenir un grand général parmi les musulmans. C'est lui, avec l'homme berbère qui était célèbre, Tariq ibn Ziyad, qui vont conquérir l'Andalousie. Et de là, il y aura le Gibraltar. Gibraltar, vous connaissez, c'est à la base le nom de Jabal Tariq. C'est à la base du nom arabe Gibraltar. Tariq ibn Ziyad, c'était à l'époque. Et Moussa ibn Nusayr, qui était Moussa, le fils de Nusayr, était le général de Tariq ibn Ziyad, qui est très célèbre. Et Yasser, le troisième, était le père de Mohammed ibn Ishaq, sahib kitab al-Maghazi. Mohammed ibn Ishaq. Donc, ces trois hommes, regardez la récompense de Khalid ibn al-Walid, de ces trois hommes, viendra de grands hommes, Mohammed ibn Sirin et autres. Donc, Mohammed ibn Sirin rapporte de Abu Huraira, qui dit qu'il a entendu le prophète alayhi salat wa salam dire, donc on va très rapidement lire la version qu'il y a dans l'authentique de Muslim. Il dit qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lam yatakallam fil mahd illa thalathatun Isa ibn Maryam wa sahib Jurayj. Il dit le prophète sallam nul n'a parlé dans son berceau si ce n'est Isa ibn Maryam, si ce n'est trois, il dit si ce n'est Isa ibn Maryam, et il cite Sahib Jurayj. Et ensuite, le prophète, avant de mentionner le troisième, il va raconter l'histoire de Jurayj. Wa kana Jurayjun rajulan abida, fattakhada sawma'a, fakana fiha, fatathu ummuhu wa huwa yusalli, faqalat lahu ya Jurayj, faqala ya Rabbi, ummi wa salati, faaqbala ala salatihim fansarafat. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المسلمات أو المومسات إلى وجوه المومسات فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته فكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم. Alors très rapidement, on va faire une traduction simultanée pour qu'on puisse avancer. Donc, qui est Jureyj? Alors, il est rapporté que c'était un homme qui était dévot dans l'adoration d'Allah. C'était un dévot, un adorateur. Un adorateur. Et il avait pris une sorte de saumara qu'on traduit par une tourelle, une sorte de tour. Et il s'isolait à cet endroit, dans cette tour. Il s'isolait, c'était dans des sortes de collines, des lieux élevés. Et il s'isolait à cet endroit. Il s'isolait à cet endroit, à savoir que les savants font une annotation. Ils disent à l'époque, c'est à l'époque de Banu Israël aussi, cette histoire. Ils disent à l'époque qu'ils avaient le droit de s'isoler. Ils avaient le droit de s'isoler pour se préoccuper à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, lui aussi, a narré cette histoire et a détaillé cette histoire. Et lui, il rapporte dans son commentaire, il dit qu'il est rapporté dans certaines variantes que Jureyj était un commerçant. C'était un commerçant et un jour il s'est dit, comme vous connaissez tous les commerçants, parfois ils ont des gains, parfois ils gagnent et parfois ils perdent. Donc c'est comme ça le commerce, parfois on a des gains et parfois il y a des pertes. Et il s'est dit, je vais me concentrer dans un commerce où il n'y a aucune perte. Et il sous-entendait en cela l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est rapporté ensuite que Jureyj s'est isolé. Il était isolé dans une sorte de saumara qu'on traduit par une tour ou bien une tourelle. Et il était dévot dans la prière et autre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il est rapporté que sa mère, sa maman, alors elle se rendit en bas de cet endroit, et elle l'appela. Elle appela, elle avait besoin de lui, ses parents avaient besoin de lui. Donc sa mère l'appela et lui dit, « Ô Seigneur, ma prière ou ma mère ?» Alors ensuite, il est revenu à sa prière. Il a choisi la prière. Ensuite, il est rapporté que le lendemain, alors sa mère revint. Elle avait encore besoin de son fils, pour une deuxième fois. Et encore lorsqu'elle appela, « Ô Jureyj !» Alors il dit, « Ô Seigneur, ma prière ou ma mère ?» Et il retourna à sa prière. Et il est rapporté qu'une troisième fois encore, le lendemain, sa mère revint et dit, « Oh, Jureyj !» Elle avait besoin de lui. Et là, elle dit, « Oh Seigneur, ma prière ou ma mère ?» Et il revint à sa prière, continua sa prière. Alors, sa mère ensuite fit un dua. Alors, elle invoqua Allah, subhanahu wa ta'ala. Et elle dit, traduction de son dua, elle dit, oh Allah, à la troisième fois qu'elle a appelé son fils et qu'il est resté dans sa prière, alors elle dit, oh Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le visage de l'Moumissat. L'Moumissat, qui est traduit par les dévergondés, les prostituées de l'époque. L'Moumissat, ceux qui appelaient les gens à commettre la turpitude, ensuite, ils exposaient cela en public. On appelait ça l'Moumissat à l'époque. Regardez cette grande invocation de la maman, de la mère. Elle dit, oh Seigneur, ne le fais point mourir jusqu'à ce qu'il voie le visage d'El-Moumissat. Alors, Banu Israël, les enfants d'Israël à l'époque, alors ils se sont rappelés. Tadakara Banu Israël, Jureyjan wa ibadata. Ils se sont rappelés de Jureyj et de son adoration, comment il était dévot. Wa kanat imra'atun baghiyyun yutamathalu bihusniha. Il y avait une femme à l'époque qui était connue, une prostituée, d'une beauté proverbiale, d'une grande beauté. Et elle leur a proposé, lorsqu'ils se sont rappelés Jureyj, elle leur a proposé d'aller tenter Jureyj, pour eux. Et ceux qui lisent dans les histoires des compagnons, dans les histoires des successeurs des compagnons, à l'époque c'était célèbre, les savants ont parlé de cela, c'était célèbre que les pieux de la société, il y avait des gens qui toujours essayaient de corrompre, et de discréditer les pieux et les vertueux de la société. C'est connu des histoires, il y a de grandes histoires chez de grands tabi'in, que des femmes, des prostituées, allaient les tenter. Juste c'était pour ternir leur image. Comme ça s'est produit aussi à l'époque des compagnons. Lorsqu'un compagnon était emprisonné, ensuite ils lui ont dit « Tanassar » et parmi les tentations qu'ils lui ont exposées, une femme, une Moumissa, parmi les prostituées, qui est rentrée à l'endroit où il était emprisonné et s'est proposée à lui. ولم يلتفت إليها. Il lui a accordé aucune attention jusqu'à ce que même cette femme a dit ce n'est pas un homme, c'est de la pierre. Elle avait jamais vu ça. Une personne se détournait d'elle. Cette femme était connue. Elle était connue pour détourner les hommes et autres. Et elle n'avait, personne ne lui résistait. Et lorsque son compagnon lui a résisté, elle a dit ce n'est pas un homme, c'est de la pierre. Et c'est connu aussi, Fizaman et Tabi'in. C'est pour ça qu'en réalité, j'ai choisi cette histoire. Beaucoup de gens et beaucoup de frères sont exposés à ce péché, à cette tentation, à cette tentation. Et l'homme est faible. Et vous connaissez tous l'histoire de Youssouf. Et nous sommes dans une société où le croyant, le jeune croyant, doit se prémunir et se préserver. Jusqu'à ce que même certains savants disent, regardez, elle fait Ida. Justement, c'est pour ça, moi, je vous résume. J'essaie de vous rapporter certaines fawaïd. Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidahullahu ta'ala, qui est le ministre des affaires religieuses en Arabie, et ben lui, dans son serment de vendredi, a mentionné, a lu ce hadith en mentionnant des fawaïd. Et il dit une très belle faïda, il dit, regardez, lorsqu'il y a eu Al-Kusuf, une éclipse solaire, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un rappel aux gens. Et il a parlé, lorsqu'il a fait le rappel, alors qu'il y a eu Kusuf al-Shams, il y a eu cette éclipse solaire, il leur a parlé du danger de la fornication. Et a fait un rappel aux compagnons à l'époque concernant le danger de la fornication. Et certains savants, en l'occurrence le Shir, d'une très belle faïda, il dit, dans son commentaire, que je vais vous lire, il dit, فَقَالَ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الزنا في خطبته لما كسفت الشمس لأجل عظم المناسبة بين الزنا وبين كسوف الشمس فإن الزنا ووسائل يطفئ نور الإيمان في قلب أهل الإيمان كما أن الكسوف يطفئ نور الشمس. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, certains savants parmi les gens de science ont dit qu'il y avait un lien ici, entre cette éclipse et le péché de la fornication. Du fait qu'il dit que Al-Munasaba bayna zina wa bayna kusuf al-shams, c'est que Al-Zina et les moyens, regardez ce qu'il dit, Fa'inna zina wa wasa'ilahu, la fornication et les moyens menant à la fornication éteignent la lumière de l'Iman. La lumière, nur al-iman fi qalbi ahl al-iman. Il dit la lumière qu'il y a dans le cœur, la lumière de l'iman qu'il y a dans le cœur des gens de l'iman. Ce péché-là, la fornication, éteint cette lumière. Et il ne s'est pas contenté à dire az-zina wa wasa'ila. Il a mentionné aussi al-wasa'il, les moyens menant à cela. Comme il dit, regardez la relation, comme il dit, eh ben, l'éclipse cache et éteint la lumière du soleil. L'éclipse dissimule la lumière du soleil. Vous avez vu là la relation ici qu'il y a. C'est pour cela que certains savants, Shirdi, faqala ba'd ahli al-ilm, al-munasaba. Donc on disait que c'est connu, lisez à l'époque de At-Tabi'in, il y avait des femmes prostituées qui allaient pour tenter, pas n'importe quel homme, des hommes qui étaient connus pour leur piété, des hommes qui étaient connus pour leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur loyauté, leur honnêteté, pour leur croyance, pour leur iman, des gens qui étaient connus. Le but de les discréditer. Si on discrédite les pieux, qui sont à la base des modèles pour le reste de la société, alors c'est toute la société qui va se corrompre. Alors, il y a eu ce dua de la mère. Donc comme on a dit, alors, Banu Israël, alors ils se sont rappelés de Jureyj, et de là, cette femme s'est proposée. Faqil est ensuite, il est dit dans le récit, نواصل قراءتنا في هذا الحديث العظيم فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعية كان يأوي إلى الصومعة فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي قال جريج أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه فقال يا غلام من أبوك قال فلان الراغي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون بي يقبلون ويتمسحون بي وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا عيدوها من طين كما كانت ففعلوا. Donc ensuite la fin de l'histoire de Jureyj, c'est qu'ensuite donc cette femme qui s'est proposée, la prostituée ensuite, elle s'en alla rencontrer Jureyj et elle s'est exposée à lui. Elle a essayé de le tenter. Et lui, il lui accordait aucune importance. Il est resté ferme. Ahlul Iman, les gens de l'Iman, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu l'un des plus grands exemples, Youssouf qui a préféré être emprisonné que de commettre ce péché. Regardez, donc il est resté ferme. Alors, lorsqu'elle a vu qu'elle n'a pas pu le tenter, alors elle est partie vers un berger. Il y avait un berger qui trouvait refuge justement dans la tourelle, dans la tour où il y avait Jureyj. Elle se donna à lui et donc il eut des rapports avec elle et elle tomba enceinte. Lorsqu'elle accoucha, alors elle vint avec l'enfant et les gens lui demandèrent de qui est cet enfant. Elle dit c'est de Jureyj. Elle a menti. Et elle a attribué l'enfant à Jureyj. Alors de là, réaction des gens, tout de suite, cet homme qui se dit pieux, alors ils se rendirent chez Jureyj. Alors, ils l'ont fait descendre de la tour, de cette tourelle, et ils l'ont démoli. Ils l'ont démoli son abri, ce refuge, où il se réfugiait pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont rué de coups. Ils ont commencé à le frapper. Et lui, il ne comprenait pas. Alors, il s'est exclamé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils lui ont dit, tu as forniqué. Tu as commis l'adultère et tu as forniqué avec cette prostituée. Et elle a eu un enfant de toi. Alors lui, regardez la réaction. Il a demandé, où est l'enfant? Où est cet enfant? Alors, ils amenèrent l'enfant à Jureyj. Et la première réaction, lorsqu'ils lui ont ramené l'enfant, il a demandé qu'on le laisse prier. Et il a fait ce qu'on appelle as-salah. Il a prié. Regardez. Et de là, vous avez une grande leçon de tawhid. Rappelez-vous l'histoire de Khoubaïb ibn Adi, le célèbre compagnon. Vous savez, lorsque, très brièvement, un jour le prophète, alayhi salam, voulait savoir, voulait connaître les intentions de Quraysh à la Mecque. Donc il avait envoyé 10 compagnons en repéreur, en guise de repère. Et parmi ces compagnons, il y avait Khoubaïb ibn Adi, célèbre compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Khoubaïb. Ses compagnons-là, ensuite, il y a une longue histoire. Ils ont été faits prisonniers, certains d'entre eux, 7 parmi eux, ont été tués. Et 3 d'entre eux ont été faits prisonniers et emmenés à la Mecque. Ils étaient faits prisonniers. Et parmi ces 3-là, il y avait Khoubaïb ibn Adi. Khoubaïb, c'est lui le célèbre compagnon. Lorsqu'ensuite il était prisonnier. Ensuite, la fille de celui qui avait prisonnier le compagnon, un jour elle est rentrée, elle a trouvé le compagnon alors qu'il était enchaîné, il n'avait rien, avec des raisins. Une grande grappe de raisins. Et ça fait partie des miracles de Awliya Allah. Des Awliya, des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. En résumé, Khoubaïb ibn Adi est celui qui instituait une sunna. Le fait de faire 2 rakat avant de se faire exécuter. Pourquoi? Puisqu'ensuite, ils ont décidé de le tuer. Ils lui ont demandé d'apostasier, de se détourner de la religion de Mohammed, ce qu'il a refusé. Donc ensuite, crucifié. Ils l'ont crucifié, attaché, pour ensuite le tuer. Et avant cela, il avait demandé de prier, de faire de la karat. Et de là, il a fait 2 prières. Il a prié. 2 unités, et de là, avant de le tuer, il a dit, si ce n'était pas la peur que ces gens croient que j'ai eu peur, ce n'était pas par crainte que ces gens croient que j'ai eu peur, j'aurais rajouté dans la prière. Mais il ne voulait pas que ces gens-là pensent qu'il avait peur, donc alors il faisait une longue prière pour essayer un peu de gagner du temps. Donc il a dit, si ce n'était pas par crainte que eux pensent que j'ai peur, j'aurais rajouté dans la prière. Regardez, pourquoi on donne cet exemple ? Eh bien, il a institué cette sunna qu'on appelle As-salat qabl al-i'dam. As-salat. Regardez par exemple l'histoire. L'histoire de Ibrahim, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il était connu lorsqu'il a fait son voyage vers l'Égypte. Il était avec son épouse. Et il était connu qu'il y avait un tyran, un roi en Égypte, que chaque personne qui rentrait en Égypte, eh ben, il prenait son épouse. De là, la célèbre histoire que lui, Ibrahim, alayhi salam, il avait dit que c'était sa sœur. Et bien sûr, c'est sa sœur dans la religion. Du côté religieux, c'est sa sœur. Donc il n'y a pas de mensonge en cela. Mais quand même, le tyran, je vous fais très brièvement en résumé, pour qu'on puisse revenir, a pris l'épouse de Ibrahim, alayhi salam, Et lorsqu'il a voulu s'approcher d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a rapporté des versions, certaines versions, il a rapporté qu'elle a demandé, elle est partie faire ses ablutions. Et elle a prié. Regardez Ahl al-Iman. Ils reviennent dans ces situations très difficiles, c'est des exemples. La personne, elle est éprouvée. La personne est face à un malheur, face à une épreuve. À quoi elle pense ? À revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Première chose, face à l'épreuve, elle revient à Allah, comme le compagnon Khoubaïb, comme l'épouse de Ibrahim, alayhi salam. Et la finalité, c'est qu'ensuite, cet homme, lorsque ce tyran a voulu s'approcher de l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas pu. Il était paralysé. Ses membres se sont paralysés. Donc ça, c'est des anecdotes, regardez, as-salah. Cette prière-là. De même, regardez, la similitude, c'est que Jureyj, dans cette situation, ils lui ont démoli, je ne vais pas appeler ça un tente, mais la tourelle, cet endroit où il se réfugiait, ils ont commencé à le ruer de coups, et ils l'ont accusé, il a demandé de faire venir As-Sabi, l'enfant, hein, le bébé, et là, la première chose qu'il fait, il prie. Il fait une salah, il prie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'un des grands points de l'histoire. Et de là ensuite, لَمَّا قَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُ بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي حَتَّى أُصَلِّي فَصَلَّى. Ensuite, il prie. فَلَمَّا انصَرَفَ أَتَى الصَّبِيُّ فَطَعْنَ فِي بَطْنِهِ. Ensuite, lorsqu'il a fini la prière, c'est là qu'ils lui ont ramené l'enfant. Et là, il a commencé à appuyer avec ses doigts sur le ventre de l'enfant. Comme il est dit dans la version de l'imam Muslim. Et Cheikh Abd al-Razak al-Abbad, hafidahullah ta'ala, un célèbre savant contemporain qui est enseignant, lui et son père, hein, à la grande mosquée de notre prophète, alayhi salatu wassalam, lui, dans son commentaire, il dit même que lorsqu'ils ont prié Jureyj a souri. Comme s'il riait. Il a souri. Il rapporte une variante, Cheikh Abd al-Razak al-Abbad, il dit que Jureyj a souri et lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi, il s'est rappelé qu'il a été touché par le doa de sa maman. Il a été touché par le doa de sa mère. Puisque quand il a vu Al-Mumisset déjà, alors il s'est rappelé de l'invocation de sa mère. Alors là, c'est là qu'il est dit, lorsqu'il a appuyé ici sur le ventre de l'enfant, c'est ça les savants disent le sens de « Fatana afi batni » alors, il s'adressa à l'enfant. Ya Roulam, men abouk. Qui est ton père? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler l'enfant. A fait parler le bébé. C'est pour cela là qu'on est à la base dans un hadith où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous informe au sujet de bébés qui ont parlé dans leur berceau. Il y a Isa ibn Maryam, il y a Jureyj, et là on vient de mentionner son histoire, et il y a un troisième. Que si on a le temps, on va mentionner très rapidement. Donc ensuite, l'enfant prononça Allah, antaqahu, comme on dit, antaqahu, yani il l'a fait parler, l'a fait prononcer, et l'enfant a dit, c'est le berger. Mon père, c'est le berger. Alors de là, les gens ont compris que ce n'était pas Jureyj. Il n'avait pas commis la fornication. Et qu'il ne mentait pas. Et que la prostituée avait menti sur Jureyj. Alors là, ils ont commencé à embrasser Jureyj, ils ont commencé à s'essuyer sur lui, et lui ont dit, on va rebâtir ta tourelle, cet endroit où tu te réfugiais, on va te la rebâtir en or. Et regardez, Ashab al-Iman, c'est pas la dunya, ce n'est pas des opportunistes. Regardez encore. C'est pour ça que c'est des récits qui sont des exemples, il faut juste les méditer. Ahlul haqq wa ahlul iman. والمستسلمون لله جل وعلا ولأمر الله جل وعلا ليسوا أصحاب الدنيا. C'est pas des gens, les gens de l'iman, qui ont l'iman, c'est pas des gens des opportunistes. C'est pas des opportunistes. Il aurait pu dire, oui, Naram, il faut rebâtir ma tourelle en or et mieux encore. Là, il a dit non. Rebâtissez ma tourelle en tin, en argile, il leur a demandé. En argile, comme elle était avant. Il leur a demandé, comme elle était avant, kama kanat fa fa'alu. Faqala ahad al-ulama, kana Jureyj rajulan 'abidan fahtala bi nafsihi fi sawma'atihi yusalli fa'atathu ummuhu wal walidu wal walidatu yashtaquna ila al-walad fatalabathu lidhalika ummuhu wa kanat as-sawma'a في مكان مرتفع فنادته أمه من تحت الجبل يا جريج. Donc regardez maintenant parmi les grands passages de l'histoire, c'est que toute cette histoire et l'épreuve qu'a eu Jureyj, c'est que lorsque sa mère a eu besoin de lui, alors il a fait prévaloir et devancé sa prière. Alors que sa mère avait besoin de lui, il n'a pas répondu à l'appel de sa mère. Et sa mère, comme on a dit précédemment, l'a appelé à 3 reprises. Elle est venue le lendemain et encore le lendemain et elle a appelé son enfant, elle avait besoin de lui. De là, le shir ici nous explique que lorsque le père ou lorsque la mère a besoin de son enfant, il doit répondre favorablement à la demande de ses parents. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit, et adorez Allah sans lui donner d'associés et soyez bienfaisants envers vos parents. Une traduction relative. On a le devoir envers Allah, التوحيد, et ensuite on a le devoir des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et votre Seigneur a décrété que vous n'allez n'adorer que lui. Et que vous seriez bienfaisant et bienveillant envers vos parents, traduction relative du sens du verset. Ne serait-ce que le fait de dire ouf aux parents. Le fait de dire ouf, s'ils nous demandent une chose, ils vous demandent une chose, de faire une chose, le fait de dire ouf. Juste, ce n'est pas ici répondre avec des paroles, dire je ne peux pas, je ne veux pas. Juste le fait de dire ouf, vous ne pouvez pas. Allah vous interdit. Et là on voit... Ici, la place, le rang des parents, en l'occurrence le rang de la mère. Pour cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il fut interrogé sur une recommandation, le prophète a recommandé la mère à 3 reprises. Ummuk, ummuk, ummuk. Ensuite, il cita le père, l'importance de la mère. Vous allez attendre de perdre votre mère, pour ceux qui ne l'ont pas encore perdue, pour se dire, en fin de compte, notre mère était chère. C'est maintenant qu'il faut œuvrer pour ceux que leur maman est vivante. C'est maintenant qu'il faut être obéissant et répondre aux demandes des parents. Regardez. De là, la mère, lorsque Jureyj n'a pas répondu favorablement, alors elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les savants nous disent que le dua, justement, des parents est exaucé. Et là, c'est un rappel aussi pour les parents. Un rappel pour les parents. Lorsque les parents sont en colère, ne faites pas d'invocation. Ne faites pas d'invocation négative contre vos enfants. Contre vos enfants, pourquoi ? Parce que cette invocation est exaucée. Allah répond à cet appel et à cette demande. C'est pour cela que regardez. قال أن دعاء الوالد على الولد ودعاء الوالدة على الولد يخشى منه. C'est pour ça que Shir dit tout simplement l'invocation du père contre son fils ou l'invocation de la mère contre son enfant. On la craint. On a peur de cette invocation. فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ ثَلَاثُ da'awat mustajabat, la shak fihin. Le prophète dit, il y a trois invocations qui sont exaucées sans qu'il n'y ait de doute. Sans qu'il y ait de doute. Da'watul mazloum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala al-walad. Fa inna da'watul walid, ou da'watul ala waladiha, idha tarakaha wa aqqaha, wa lam yujib da'wataha, wa lam yasilha, wa lam yabarraha, fa inna da'wataha mujaba. Ya'ni, ala raja'il ijabati idha da'at. Alors les trois choses qu'a cité le prophète sallam dans ce hadith, trois invocations qui sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation des parents vers l'enfant. C'est pour cela que le shir ensuite nous dit fa inna da'wat al-walid ou da'wat al-um, lorsque votre enfant, ou plutôt lorsque les parents ont une demande, une requête, ils appellent l'enfant, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui, alors ils ne font pas laisser les parents comme cela. Et si l'enfant fait preuve d'ingratitude, si l'enfant n'est pas obéissant envers ses parents, alors le shir dit, on craint l'invocation des parents. Il y a un rappel pour les parents aussi, donc faites attention aux invocations. Ne faites que des bonnes invocations pour vos enfants. Car cette invocation, faites attention à la colère. Combien de parents ont invoqué contre leurs enfants sous la colère, et ensuite cette invocation est exaucée. Ensuite, les parents regrettent. C'est pour ça que le prophète, dans un hadith, dit « La tardab » à plusieurs reprises, « Ne te mets point en colère. » « Ne te mets point en colère. » « Ne te mets point en colère. » « Fa'ajab Allahu da'wataha wa abtulia dhalika ar-rajulu s-salih bi'a'zami ma yakrahuhu. » Et donc Allah a exaucer la demande de la mère de Juraïj. Et il dit, regardez le shir, qu'est-ce qu'il va dire ? Et il dit, il va être éprouvé par la chose qu'il détestait le plus, de voir Al-Mumisa devant lui. Al-Mumisa. Parce que Ahl al-Iman, ceux qui sont fervents dans l'adoration d'Allah, ne veulent pas se trouver dans de telles situations. Et face à un tel péché. Pourquoi ? Parce que le péché, lorsqu'une personne est exposée à ce péché, il est très difficile pour l'homme de sortir de cette épreuve intègre. C'est difficile. Vous savez, celui qui est exposé à ce péché, et s'il arrive par crainte d'Allah à sortir intègre de ce péché, c'est-à-dire que la crainte d'Allah l'emporte, il ne répond pas à la demande de celle-ci, alors il sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection. Il fait partie des sept catégories qui refusent cette femme en disant Inni arshallah, certes je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jouez pas avec ce péché. Ça éteint la lumière de l'iman qu'il y a dans le cœur des gens de l'iman, comme disent les gens de science. Ne jouez pas avec cela. Lorsqu'on se fait le rappel de ne pas jouer avec ce péché, n'allez pas vers les moyens menant vers ce péché. C'est pour ça que c'est une grande exhortation. Et c'est pour cela qu'on fait le rappel aussi aux frères et aux sœurs. C'est que parfois, ils viennent, ils veulent se marier. Donc ils veulent faire un acte, comme il est demandé à la mairie, et l'acte religieux avec, comme ils disent, l'imam. Et parfois, les parents ne sont pas d'accord. Mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. C'est leur droit. Et vous obéissez à vos parents ou non ? Mais ça devient quelque chose d'impossible. Pourquoi ? Puisque la sœur s'est accrochée et s'est liée au frère et l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y a eu des relations d'ordre téléphonique, sur Internet, sur WhatsApp et autres. Donc, ils se sont attachés les uns les autres. Et ensuite, le frère, avec une apparence de pieux, personne vertueuse, il se rend chez le père et demande la main de la fille. A'oudhou billah. Tu vas voir le père pour lui demander la main de la fille alors que juste avant, pendant des mois, tu as eu des relations avec sa fille. Tu n'as pas honte ? Hadha min al-adab ? Ça fait partie du bon comportement, ça ? Le père, c'est ton frère. هذا ليس من الأدب. Faites attention à l'wasail. Ça, c'est un rappel. Al-wasail, les moyens menant vers cela. Taïb. Pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsqu'ensuite les parents ne veulent pas, donc ensuite, il faut le wali, il faut l'ordre, il faut l'accord et du tuteur. Non, lorsqu'il n'y a pas d'accord du tuteur, alors ensuite, c'est là que les frères cherchent d'autres alternatives. Le tuteur n'est pas musulman. Alors il accuse de ne pas faire la prière. Qui est-ce qui t'a dit qu'il ne fait pas la prière? Les savants ont dit, faites attention avant d'accuser une personne qui ne fait pas la prière. Peut-être que lui, lorsque c'est l'heure de la salat, il s'enferme dans sa chambre, il ferme la porte, il sort son tapis et il prie. Peut-être toi, tu ne l'as pas vu prier. Peut-être qu'il prie, lui, lorsqu'il est seul. Tu as grandi dans leur maison? Tu as grandi avec eux pour affirmer qu'il ne fait pas la salat? Alors ensuite, lorsque vous sortez du sujet de la prière, il est prouvé qu'il prie, ah, il fait du sihr. La mère est une sorcière ou le père est sorcier. Alors ils vont chercher ici des choses pour détourner ici et pour supprimer la tutelle du père et des parents. Du père et des parents. Et on ne va pas s'étaler sur ce sujet, je peux vous donner de nombreux exemples. On a eu des exemples sur cela. Le père présent, les oncles présents, les frères présents, dignes de confiance, d'honnêteté. Et la fille s'est mariée sans leur approbation. Des sœurs, sans l'approbation. Sans en parler à la famille, en cachette. Pour terminer, regardez. Faqala. Donc ensuite, vous avez vu l'importance des parents et l'invocation des parents. Donc il a été éprouvé par une chose qu'on a dit. Une chose que lui-même détestait, il a été prouvé par cela. Il a été prouvé par cela. Faqala, pourquoi c'est une chose détestée pour les gens de l'Iman? Alladhi tatafattar qulub ahli al-iman li ajli ma hum alayhi min al-khana wal-fujur, yani al-mumisat. Al-mumisat. Wa min ma'siyatillah wa min mubarazatihi bi kabiratin min al-kaba'ir. فأتته امرأة المومس ورؤية المومسات تأباها الفطرة السليمة تأباها القلوب المؤمنة لأن المومس يعلم صاحب الإيمان أنها صاحبة كبيرة. Donc là, le sheikh, il explique en arabe. Il explique. وقال ويعلم أنها صاحبة جرم وصاحبة إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا فكيف يحب وكيف يثني بل كيف ينظر ويسر برؤية من يقترف كبيرة بل ومن ينشرها في الناس ويجاهر بأنه يفعل ذلك كما فعل بنو إسرائيل حيث كانت المومسات لهن شأن كبير وعظيم عندهم كما قيل في الحديث إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وحيث في ذاك الزمان انتشرت فيهم المومسات وانتشرت فيهم النساء ذوات الخناء وذوات الفجور حتى تفشى ذلك في بني إسرائيل وجزاهم الله جل وعلا بأن جعلهم شذرا مذرا أي متفرقين كما هو معلوم في قصص كثير أو كثيرة في الكتاب. طيب. Ensuite, maintenant qu'on va résumer, on a terminé l'histoire de Jurayj. Pour terminer, je vous dis le troisième qui a parlé dans son berceau. الثالث الذي تكلم في المهد هو غلام كان يرضع من ثدي أمه وكان صلى الله عليه وسلم يحكي هذه الحكاية وهذه القصة العظيمة. Donc cela, c'est la suite du récit. Dans le même hadith que rapporte l'imam Muslim, قال وبين صبي يرضع من أمه مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إلي ونظر إلي وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. Donc l'histoire c'est un enfant pareil qui allaitait, qui prenait le sein de sa maman, de sa mère, et à un moment donné, sa mère a vu un homme d'une belle allure et d'une belle apparence. Alors elle a invoqué Allah. Elle a dit, ô Seigneur, fais que mon enfant soit comme cet homme. Du fait qu'il était d'une belle allure, d'une belle apparence. Alors l'enfant a lâché ensuite le sein de sa mère, a levé la tête et a dit, il a lâché le sein de sa mère, et a dit, ô Seigneur, fasse que je ne fais pas, sache que je ne sois pas comme cet homme. Il a invoqué d'une invocation contraire de celle de sa mère. Alors ensuite, il est dit, qu'ensuite, une servante, des gens passèrent devant la mère et ce nourrisson qui allaitait, qui prenait le sein de sa mère, une servante passait et كانوا يضربونها, et il frappait cette servante. Ce qu'on appelle une jariya, une petite. Jariya. Une servante plutôt. Et il l'accusait d'avoir commis la fornication. Il lui disait Zanaiti. زنيتي وسرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. Et elle, lorsqu'il l'accusait d'avoir forniqué et d'avoir volé, cette servante, cette jariya, disait Allah me suffit, حسبي الله ونعم الوكيل. Alors eux ils disaient زنيتي سرقتي. فقالت الأم, lorsque la mère du nourrisson vit cela, alors elle dit اللهم لا تجعل Ibni mislaha. Ô Seigneur, fais que mon enfant ne soit pas comme elle. Alors, de même, le nourrisson, il a laissé encore le sein de sa mère, il a arrêté d'allaiter, il a laissé le sein de sa mère, il a regardé face à elle et dit, faqala Allahumma ja'alni mislaha. Et là, l'enfant, Allah lui a permis de parler et il dit, ô Seigneur, fait que je sois comme elle. Alors de là, فَهُنَاكَ تَرَاجَعَ الْحَدِيثِ. De là ensuite, il y a eu même la conversation, le prophète nous informe, qu'il y a eu la conversation entre la mère et son nourrisson. Et elle l'interrogea. Alors qu'elle a vu ce bel homme, avec cette belle apparence, passer, et elle dit, j'ai demandé à Allah que tu sois comme cet homme. Et alors qu'elle vit cette jariya, qui était accusée d'avoir forniqué et d'avoir volé alors qu'elle se faisait frapper. Alors je voulais que tu sois comme cet homme et Allah fasse que tu ne sois pas comme cette jariya. Alors tu as dit Allah fait que je ne sois pas comme cet homme et fait que je sois comme elle. Donc elle l'interrogea. Alors l'enfant, le nourrisson, Allah lui a permis de parler. Regardez ce qu'il va dire. C'est une grande exhortation aussi. Regardez ce qu'il va dire. Faqala. إن ذاك الرجل كان جبارا. Cet homme était un homme injuste, c'était un tyran. Pour cela, je dis اللهم لا تجعلني مثله. Ô Seigneur, fasse que je ne sois pas comme cet homme. C'était un tyran. Ensuite, وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني. زنيتي ولم تزني. Il dit, et cette jariya, ils l'ont accusée d'avoir forniqué. C'était une accusation. Alors il dit, elle n'a pas forniqué, cette jariya. C'était une accusation fausse. C'était un mensonge sur elle. Lam tazni. Et ils l'ont accusée aussi, ils lui ont dit, sarakti. Tu as volé. Alors il dit, elle n'a point volé. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette jariya? Hasbi Allah wa ni'am al-wakil. Elle s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est encore une leçon, comme l'a mentionné notre noble frère Abdelmalik Abou Aymaran dans son cours, que même son histoire qu'il a rappelée, c'est une exhortation, une grande incitation à ce qu'on appelle at-tawakkul, le fait de s'en remettre complètement, ce qu'on appelle la rémission à Allah subhanahu wa ta'ala, mettre toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fille a été accusée. Qalat, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Comme il y a de nombreux exemples chez les prophètes, chez les messagers, chez les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Et ça, c'est des comportements à adopter. Lorsque vous êtes accusé d'une chose, parfois, ça ne sert à rien de se justifier. Parfois, on dit bien parfois, ça ne sert à rien tant que vous savez qu'auprès de votre Seigneur, vous n'avez pas commis cette chose-là dont on vous accuse. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ce qui compte, c'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Faqalat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pour cela, l'enfant a dit Allahumma ja'alni mithlaha. Allahumma ja'alni mithlaha. Ô Seigneur, fais que je sois comme elle. Et regardez encore, Ashab al-Dunya, les gens qui sont que intéressés, qui ont un amour démesuré pour cette vie d'ici-bas, ils préféraient être comme l'homme. Ce bel homme, avec une belle allure, une belle apparence. Regardez, l'enfant, le nourrisson qu'Allah a permis de parler, a dit qu'il ne voulait pas être comme cet homme. Pourquoi ? Parce que c'était un tyran. Mais il préférait être comme cette fille qui avait été accusée. Wa qalat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc voilà, c'était très brièvement. Alhamdoulilah, on a pu très brièvement rapporter certains points liés à ce long hadith du prophète alayhi salam que vous pouvez trouver dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que vous pouvez trouver aussi dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc je recommande, j'incite les frères, j'encourage les frères à revenir, hein, relire ce hadith. Revenez, il y a de grands commentaires de nos grands savants qui ont commenté, il y a de grandes exhortations à cela. Et juste pour terminer, juste avant l'adhan et la prière, regardez la relation avec l'ilm. Jureyj a prié. Il a fait la prière. Et c'était entre eux. Il demandait au Seigneur, ma mère ou ma prière ? À ce moment-là, c'était la mère. Vous avez vu l'importance de l'ilm ? Vous avez vu le rappel d'hier du Shir, le rang de la science entre religions ? L'importance de la science ? C'est pour ça que mes frères, faites attention. À l'heure actuelle, on s'est rendu compte, surtout en notre pays ici, que beaucoup de jeunes n'assistent pas au cercle de science. Beaucoup de jeunes ne reviennent pas en réalité au ulama. Beaucoup de jeunes ne reviennent pas au talabat al-ilm. Les étudiants science qui étudient chez l'ulama ou chez le mashayikh. Beaucoup de jeunes maintenant apprennent la religion sur internet, dans des sites. N'apprennent pas la religion, ne prennent pas la religion des ulama, de ahl al-ilm. Faites attention. Faites attention, beaucoup de gens maintenant apparaissent sur YouTube. Et on voit maintenant les frères apprennent la religion à travers des vidéos sur YouTube. Maintenant, n'importe qui maintenant se filme et poste des vidéos sur YouTube. Et on voit Shabab se bousculer devant ces vidéos-là. Pourquoi ces gens qui prêchent à travers ces vidéos ? Pourquoi n'ont-ils pas une place dans une mosquée ? Pourquoi ils ne dispensent pas des cours dans des mosquées ? C'est parce qu'ils ne sont pas habilités, parce qu'ils n'ont pas les compétences à cela. De ce fait, ils utilisent Internet, le seul moyen pour propager leur ignorance, parce qu'ils sont ignorants, on le voit bien, ce sont des gens qui n'ont aucune instruction. Hein. Le plus ignorant maintenant poste des vidéos et donne des cours. Et les jeunes suivent ces vidéos, on voit des milliers de vues. Ajib. Alors que vous avez des ulamas, vous avez Ahl al-Ilm. C'est pour cela que, comme l'a mentionné le frère Abdelmalik, Jazakallahu khair, le but, ce n'est pas de s'accrocher à la personne qui donne le cours, qui dispense le cours. Ce n'est pas ça, cette darwa. Le but, c'est de s'attacher à la darwa. Si vous avez compris, hadihi darwa. Vous avez compris cette prédication, ce prêche-là, et il faut s'accrocher à cette da'wa. Pas au prêcheur ou au prédicateur. Pas au prêcheur ou au prédicateur. Aujourd'hui, il peut le dire bon, et sur de la bonne voie, et demain, il peut, faire autrement. Le but, c'est de s'attacher à cette da'wa. C'est pour cela que vous avez pu constater que nos frères vous ont transmis les paroles de nos ulamas. Vous ont traduit les paroles de nos ulamas. Comme vous avez pu entendre une traduction des paroles en ce qui concerne l'apprentissage de la jurisprudence de Cheikh Mohamed Amanjami, rahimahullahu ta'ala. Et comme l'a dit l'un des frères, Cheikh Lakhdar, avant de partir, un qui était dans l'assemblée est venu à lui et lui a dit « Barakallahu fik pour ton rappel et pour tes enseignements. » Il a dit, « Je n'ai fait que transmettre, je suis juste un transmetteur, moi. Je suis juste un transmetteur. J'ai transmis les paroles des ulama, des savants. Des savants. » Alors, mes frères, vous avez des mosquées. Il y a des mosquées. Il y a des cours. Pas que celle-ci, d'autres mosquées. Asseyez-vous chez des gens connus qui prennent les enseignements, qui transmettent les enseignements de nos ulama. Arrêtez de revenir à des sites de gens qu'on ne connaît même pas, des vidéos, des gens qui n'ont aucune compétence, aucune habilité à enseigner, et on voit les jeunes prendre leurs enseignements. C'est pas comme ça. Si vous voulez revenir à des sites, vous avez les sites de nos ulama. Cheikh Al-Fawzan, Hafidallah, il y a son site, vous pouvez revenir. Les cours, il y a de nombreux cours. Les cheikhs des grands savants, les cheikhs Al-Haydan. Et de grands savants contemporains. Vous pouvez revenir aussi de Cheikh Abdelmansel Abed, par exemple, de son fils, Cheikh Abdelazak Al-Abed, de grands savants contemporains, et des savants qui sont décédés aussi, comme Cheikh Ibn Athaymin, ou Al-Albani, ou Cheikh Ben Baz, ou Cheikh Maqbel, ils ont des sites, il y a des cours. Donc c'est pour ça, ça c'est un rappel qu'on se fait mutuellement, puisqu'on voit beaucoup de jeunes sœurs et de jeunes frères maintenant qui sont perdus. Qui sont perdus malheureusement. Donc on remercie tous les frères qui ont participé. Que ce soit à l'organisation. Arsent. Et c'est même justement, le cher fait ce rappel. Heureusement que Francidati me fait le rappel sur ça. La prière dont priait Jureyj, c'était une prière surrogatoire. Et ce n'était pas une prière obligatoire. C'était une prière surrogatoire et pas une prière obligatoire. On peut même, si je retrouve le passage, où le Cheikh mentionne cela. طيب وكان في صلاة النفل وكان ينبغي له أن يجيب أمه أن يجيب أمه. Et ça, c'est la parole de Cheikh Saleh al-Sheikh, Hafidallah. Il dit donc aussi, il confirme que c'était une prière surrogatoire. Et donc, à ce moment-là, il lui incombait de répondre à la demande de sa mère. لِأَنَّ إِجَابَةَ الْوَالِدْ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ فَرْضٌ. Il dit parce qu'à ce moment-là, regardez, Cheikh, il dit, à ce moment-là, il était une obligation, c'est un fard, qu'il réponde à sa mère. فَقَالَ Hey, Rabbi, Ummi, wa Salati. Et c'est là que lui se dit, ô Seigneur, ma prière ou ma mère. Et là, vous voyez la lumière de l'ilm, la lumière de la science. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq. On remercie tous les frères qui ont participé, que ce soit ceux qui ont dispensé ces cours et ces rappels, ou que ce soit les frères qui ont insisté, qui ont patienté avec nous. Barakallahu fikum jami'an. Donc on remercie aussi les frères, les organisateurs et les responsables de la mosquée d'avoir organisé cela. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.